like it. You know what I'm saying, man? You know what I'm saying? So, enjoy my shit, man. I was gonna have a sushi or something, man. Alright, man? Alright, look cool, man. Look cool, you see? Look cool. Alright, hit me. Stop, man. FRG, cherche pas. Belle croix, c'est nerveux. Welcome, en fin de bloc. Fais gaffe avec l'illicite. On vit tout sur l'illicite. Hey, hey. Comment? Rien que tu dises, t'es sur mon territoire, mec, je n'ai ici. Toi, tu viens m'emmerder, alors cherche pas, mec, tu vas le regretter. Étranger, tu n'es pas du quartier, alors dégage. Ici, on veut pas de bâtards, ni des chiennes qui débarquent avec le sida. Si tu me fais le beau, je te m'arrête, quoi. J'ai rien entendu, répète de voir, t'es qu'une merde. Je suis un mec des blocs, en direct du boulevard City. Si tu balances, on détruit, moi et mes potos, on va te démolir. Rien que tu dises, rien que tu fasses, rien que tu respires, me mets un air. Tu te prends pour un beau gosse, pour une fashion victime. Mais à mes yeux, tu n'es qu'une victime. Mais en vrai, t'es qu'une crêpe, le mieux c'est que tu quittes le quartier. Si tu veux pas qu'on te ramasse par petits morceaux. Nous on est là chez nous, à défendre notre département. Alors mec, welcome, enfant des blocs. Stop là et écoute, ce son est pour toi et pour tous ceux qui veulent nous enculer. Règle de décide, te faire tout petit. Car nous sommes les mecs du respect, de la fraternité. Nous sommes là pour te griller, espèce de sale bourge. Adulé du shit pour nous faire des lobbies. Et oui, bienvenue à Messina. Allons la carrière, t'es toujours là. C'est quoi ton blème, mec? Moi mon blème, c'est toi. Là t'as fumé mon shit sans le piller, je vais pas m'emmerder. Alors dégage, mec. Si tu veux pas que je t'égratine, dégage. Ne me prends pas au bon, n'insulte pas ma famille, mais mes potos. Et alors tu repartiras chez toi, peut-être vivant. T'as compris? On te chie dessus, mec. Tu te prends pour qui? Pour quelqu'un qui vient d'un coin chaud. C'est Marley Gaumont, c'est ça? Donc j'ai peur, t'aurais pas pu trouver mieux. Sérieux, branleur, ne me prends pas au mot. Cherche pas à me péter une bite. Eh ouais mec, hier, yeah, t'as fumé, tu payes. Et si on fait pas de crédit, c'est pas gratis. Nous on va t'enterrer à 6 mètres sous terre. Et vivant, on te pissera dessus, sale pute. Alors cette fois-ci t'as compris, j'ai pas à te le redire. C'est bien petit. Va prévenir tes amis, baby. Casimir, c'est ton papa. Allez mec, fais pas mesquine. On sait tous que t'as fait pipi au lit. Écoute bien, nous on est petits, nous on est chaud, nous on est là. Mon rap, c'est pas celui de ta mère, mec. Encore, elle rappe mieux que toi. Tu crois que pourquoi les jeunes lèvent leur troisième doigt? C'est peut-être que Marianne mouille. Non, c'est parce qu'ils t'enculent, mec. Alors va pas voir les schmicks ici, on veut pas les voir. Alors va pleurer, mec, dans les jupons de ta daronne. Peux-tu entrer dans le 57070? Bellecroix représente, car on est chaud contre la menace Sarkozy. Ici c'est du shit, de la pierre à peine bouffée. Bienvenue à Messina. Car je dédicace à tout le pays messin. Bellecroix, Morning Wapi, la patrote, Mestin, Saint-El. Rien que tu dises, que tu critiques. Ici c'est du bon shit et du bon délire. Bellecroix représente Boulevard City 5-7. Parce qu'ici on déteste le 5-4. Yeah.